Il y a 5 ans qu'Horatio écrivit cette ballade imitée de Goethe et que j'en fis la musique. Nous étions heureux alors. Son sort n'a pas changé et le mien, 5 ans que j'ai souffert depuis lors. Sirène, sirène. Dieu, mon cœur se brise. L'onde frémit, l'onde s'agit. Thank you.